Voici votre bulletin régional. Au centre culturel de Whedon, le 21 juin, de 13 à 16 heures, a lieu le vernissage qui met en branle la Ballade des arts du Haut-Saint-François pour 2015. Les artistes seront dans leur atelier pour vous recevoir les 23 et 24 juin, de 10 à 16 heures. Ainsi, vous pourrez visiter Anne Bergeron, l'animatrice de Les Belles Rencontres, Ada Duel, Janine Bourret, Pierre Casey, André Pelletier et Chantal Gauveau à Whedon, François Zuzena à Stingis et Pierrette Roy à Bishopton. Le 22 juin est la date limite pour inscrire vos enfants au cours de natation offert par la municipalité d'Askill-Corner. Catégorie junior 1 à 10. 8 cours, 2 par semaine, 55 minutes par cours. Coût 70$ par enfant. Les cours débutent dans la semaine du 29 juin. On s'inscrit à natationaskillcorner@hotmail.com en indiquant dans le courriel l'âge et le nom de l'enfant, le niveau obtenu, les habiletés aquatiques et ses coordonnées. Paiement par chèque au nom de la municipalité. Dans le cadre de la Ballade des arts du Haut-Saint-François, les artistes seront dans leur atelier pour vous recevoir les 23 et 24 juin de 10 à 16 heures. Ainsi, vous pourrez visiter Anne Bergeron, l'animatrice de Les Belles Rencontres à Dodwell, Janine Bourret, Pierre Casey, André Pelletier et Chantal Gauvreau à Whedon, François Zuzena à Stingis et Pierrette Roy à Bishopton. On fête la Saint-Jean et Stingis le 23 juin à l'Aréna Robert Fournier. Au programme, 18h, rassemblement et souper familial, vente sur place de hot dog et frites par le Club Lyon. 18 à 19h, musique avec intégrale acoustique. 18h à 22h, ouverture des jeux gonflables, maquillage gratuit. 19h, musique avec Anthony et Alex Dumont, Serge Gion, John Guillette et Mark Reed. 19 à 22h, soccer de rue amical et animation pour enfants. 20h30, discours patriotique en compagnie de M. Charles Labrie. 20h35, allumons notre bougie scintillante, 8 millions d'étincelles. 20h45, groupe musical Jaune. 22h15, feu d'artifice pyromusical présenté par Pièce de Toengis. 22h30, feu de joie. 22h30, musique avec Jocelyn Faneuf, Richard Thériault, Jean Lavigne, Stéphane Bricot, Jacinthe Trempe et Isabelle Blais. 1h, fermeture du site. À Lingwick, les célébrations de la Saint-Jean se dérouleront au pont couvert McVitie McKenzie. 17h, accueil des participants. Avant et après le souper, animation, jeux variés, activités sportives familiales, jeux gonflables pour les enfants. Les participants fraternisent au son de la musique québécoise avec la participation des membres de la troupe du Cochon Souriant. 18 à 19h30, souper communautaire type buffet, service à volonté. Coût 12$ par personne. Gratuit pour les enfants de 8 ans et moins. 19h30 à 20h, le mot de bienvenue. 20h30 à 22h30, spectacle du chansonnier Jocelyn Simard. 21h30, feu d'artifice sur le bord de la rivière au saumon. 22h à minuit, feu de joie. À Askill Corner, la célébration de Saint-Jean se déroule au parc Pomerleau. Voici comment se dessine la journée du 23. 14 à 17h, animation pour les enfants. 16 à 17h, partie de hockey des recrues d'Askill Corner, hockey-ball. 18h, course de canards au profit de moissons au Saint-François. Plusieurs prix à gagner. 19h, Zumba en famille. C'est gratuit. 18h30, partie de soccer, les dribbleurs du Haut-Saint-François U12 féminin reçoivent les Verts de Sherbrooke. 19h, mot de bienvenue de la mairesse. 20h, partie de hockey bottine des personnalités de la municipalité. 20h, partie de soccer, les dribbleurs du Haut-Saint-François U16 féminin reçoivent les Phoenix de Stoke. 21h, musique et feu de joie. 21h30, activité cinéma jeunesse en plein air. À Scotstoun, on fête la Saint-Jean au parc Walter McKenzie le 23 juin. 16h30, ouverture de festivités et musique. 17h, salut au drapeau et discours. 17h30, pique-nique communautaire. Prix d'entrée, vous devez porter des vêtements blancs et bleus. 19h, compteur, un souvenir de la fête nationale. 19h45, animation, artistes invités et talents locaux. Apportez vos instruments. 21h, feu de joie et danse. Le programme de la Saint-Jean à Whedon le 23 juin, 19h, bingo de la fête nationale au centre communautaire de Whedon. Puis, sur le terrain des loisirs de Whedon, 18h, jeux gonflables pour les 11 ans et moins. 20h, spectacle de danse de l'école primaire. 21h, hommage au drapeau. 21h15, spectacle des chansonniers Steph et Chris à l'intérieur de l'aréna en cas de pluie. 22h30, feu d'artifice. 22h45, feu de joie. Le lendemain matin, 24, 10h, messe à l'église et volée de cloche. En cas de pluie, les activités du 23 seront remises au 24, sauf le spectacle des chansonniers.